cœur à bout, cherchant quelqu'un. Je te devine, je te dessine, et dans ma vie, je t'imagine. Oh, oh, instant magique, rêve utopie, à demi-voix, adopte-moi. Lasse de pique en chimérique, auprès de toi, je serai roi. Fenêtre en entrevue, et dans ma tête à demi nu, je lance mes charmes et ceux des armes. Je baisse ma garde, tu me désarmes. Oh, oh, oh, instant magique, rêve utopique, à demi voix, adopte-moi. La seule ta bouche et dans tes yeux, je veux nous sauver, je veux nous deux, qu'un amour compte, qu'un amour dure, seul de tout compte, ça me rassure. Oh, oh, oh, instant magique, rêve utopique, à demi-voix, adopte-moi. Lasse de à demi-voix, adopte-moi. Lasse de pique en chimérique.